Évariste Ndikomanyanga. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. La mise en place d'une plateforme regroupant toute l'opposition avant la tenue des élections. C'est une conclusion d'une réunion de l'opposition interne et externe tenue en Ouganda à la fin du week-end dernier. La radio Isanganiro va revenir sur cette réunion dans quelques instants. L'enterrement digne des restes humains déterrés dans différents coins du pays, c'est l'un des objectifs de la CVR. Le président de cette commission l'a dit ce jeudi au cours d'un atelier sur la problématique de gestion des fosses communes qui se déroule à Gitega. Vous l'entendrez dans ce journal. Les usagers de toutes les agences de transport en commun qui garent au marché du Kotebou se disent satisfaits de la qualité de services qui leur sont offerts ces derniers jours. Vous l'entendrez aussi dans ce journal. Et la dépouille mortelle de Papi Fati, l'ancien joueur de la sélection nationale de football, est arrivé cet après-midi à l'aéroport international de Bujumbura. Vous entendrez les détails dans ce journal. Elika Dogo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une réunion de l'opposition interne et externe s'est tenue en Ouganda la fin de la semaine dernière. Des informations recueillies auprès des participants dans cette réunion parlent d'une rencontre pour demander quelles les promesses du récent sommet des chefs d'État de l'EAC sur le conflit inter-burundais soient honorées. De plus, ces opposants politiques ont conclu la mise en place d'une plateforme regroupant toute l'opposition avant la tenue des élections. Elinibel Nibigila nous en dit plus. Cette réunion de vendredi et samedi de la semaine dernière était centrée sur le processus de résolution du conflit burundais qu'avait promis la communauté des États de l'Afrique de l'Est lors du récent sommet des chefs d'État de l'EAC. Selon des informations que détiennent la radio Isanganiro recueillies auprès de certains opposants politiques, une lettre a été rédigée pour être transmise au sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine dans le but de demander la solution promise à la crise burundaise, d'autant plus qu'il avait rassuré qu'il l'a prise en main. Notre source dit également que parmi les sujets à l'ordre du jour figure la responsabilité de l'EAC, figure la responsabilité de la communauté est-africaine, l'Union africaine et l'ONU, pendant que les accords d'Arusha, dont ils sont garants, sont en train d'être violés, regrette l'opposition au cours de ce processus électoral. Cependant, l'opposition s'engage à la participation aux élections une fois le dialogue inter-burundais interrompu, expliquant que c'est la seule voie pour arriver au pouvoir. Cependant, ses opposants politiques s'engagent à la mise en place d'une plateforme solide de l'opposition et la préparation d'une réunion extraordinaire pour analyser la situation avant la restauration de la dite plateforme, puis délibérer s'il faut prendre part aux élections ou pas. Selon l'opposition, la communauté est-africaine est appelée à examiner si les conditions optimales permettant la participation de tous les Burundais au processus électoral sont toutes remplies. Parmi les participants, les leaders de la plateforme de l'opposition SENARED et d'autres partis de l'opposition tant internes qu'externes. Toutefois, les partis MST et Sahwanya Frodebou, qui étaient conviés à la réunion, n'ont pas répondu présent, confie notre source. Merci à Elinibel Nibigira. Justice transitionnelle à présent, la commission Vérité et Réconciliation envisage dans ses priorités une collaboration avec les administratifs et l'enterrement plutôt digne des restes humains déterrés dans différentes provinces du pays. Ceci a été dit ce jeudi à Gitega par le président de cette commission lors du lancement d'un atelier de réflexion sur la problématique de la gestion des restes des fosses communes. Les détails avec Arthur Kavabouchi. Cette réunion qui a fait rencontrer la CVR et les représentants des partis politiques et de la société civile, Pierre Craver Ndaïchalier, président de cette commission, parle ici des priorités. Nous avons voulu essentiellement partager un rapport avec la meilleure façon d'identifier à travers tout le pays les fosses communes. Deuxième attente, Nous avons voulu partager une interrogation. Il y a des ossements humains que nous avons notamment dans certaines communes comme Arusaka à Mwaro, à Makamba, à Bubanza et à Bugarama à Muramvya. Quel est le sort? Quelle est la gestion la meilleure? Quant à ceux qui se sont précipités à ériger des monuments, il indique que c'est parce qu'ils ont encore des blessures, mais il fait savoir qu'un monument sera érigé et sera implanté dans tout le pays. Lorsque le mouvement, lorsque le processus sera avancé, nous allons quitter cette démarche de site mémoriel revendicatif. Nous allons évoluer vers les monuments de réconciliation, c'est-à-dire qui nous aide à avoir une mémoire partagée, parce que nous nous considérons comme Burundais et non pas comme Hutu séparément, Tutsi séparément ou Batois séparément. Abel Gachatsi, président du parti Prona, souhaite qu'il soit érigé en seul monument et dans une seule province, car les terres sont exiguës et que les restes sont en grand nombre. Jusque le 8 mai 2018, cette commission a déjà inventorié dans tout le pays 4163 fausses communes déclarées, dont certaines ont été vérifiées. Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganilo. Merci Arthur Kavabushi. Je vous le dis en titre, le corps de l'ancien joueur de l'équipe nationale Inama Murugamba, Papi Fati, est arrivé cet après-midi au Burundi pour être enterré dignement. Papi Fati est mort le 25 avril 2019 lors du match qui opposait son équipe Mental Chief avec Green Mamba de la première division dans le championnat national de Eswatini, ex-Swazilandais. Les détails avec Pacifique Chouahiro. C'est la douleur des membres de la famille de Papi Fati lorsque son corps est arrivé cet après-midi à l'aéroport international de Bujumbura. En plus de sa famille qui était présente, il y avait également les représentants du ministère de la Culture et Sport, le conseiller à la présidence chargé de la communication, ambassadeur Willy Nyamitwe, le vice-président de la Fédération de football du Burundi, la présidente du comité national olympique, Lydia Sekera, l'entraîneur de l'équipe nationale et d'autres. Selon Liziki Charlotte, grand-mère de Papi Fati, son petit-fils aidait beaucoup sa famille. On n'a pas le choix. On accepte tout simplement la volonté de Dieu. On a déjà accueilli la dépouille, on n'a plus rien à dire. Tu ne peux pas te rendre compte. Il nous aidait beaucoup dans la famille. Il nous envoyait de l'argent pour la nourriture, les habits et beaucoup d'autres choses que je ne pourrais pas tout citer. D'après Kazadi Miramwe, son ancien entraîneur local, Papi Fati était un joueur courageux et discipliné. C'était un garçon très posé, très discipliné. Il faisait très bien son travail. C'était un médiateur vraiment de qualité. Parce qu'il jouait en milieu du terrain, il faisait vraiment son travail très bien. Il alimentait vraiment les attaquants. Et parmi les médiateurs qui est le Burundi AI, il est parmi les premiers. Papi Fati est mort le 25 avril 2019 dans le terrain lorsque son équipe, Mélantis Chiefs, croisait le fer avec Green Mamba en Eswatini, ancien Swaziland, et son enterrement est prévu ce vendredi au cimetière de Manda à 9h. Poursuivons ce journal avec la page économie. Un contrat d'exportation entre le Burundi et le commerçant est l'une des exigences pour que ce dernier ait permission d'exporter des produits de la Burundi, comme l'indique son chargé de la communication Rémi Ndayishimiye. Il ajoute que pour s'assurer que l'exportation de leurs produits se fait légalement, il collabore avec les autres institutions, notamment l'OBR, l'administration et autres. C'est après qu'il y ait des produits de la Burundi saisis au port de Rumonge il y a 2 semaines. Rémi Ndayishimiye affirme qu'il est permis de commercialiser les produits de la Burundi à l'extérieur du pays. Suivez-le, joint au téléphone par Vestine Boutoy. L'exportation de nos produits à l'extérieur du pays est vraiment très sérieuse, mais à des conditions exigées. Si l'un ou l'autre Burundais ou étranger qui remplit ces conditions, il a l'autorisation d'exporter nos produits. C'est notamment, et s'il a des capacités exigées, et notamment l'enveloppe financière qu'il faut, est-ce qu'il y a des équipements, là je veux dire les moyens de transport, les camions, pour pouvoir le faire. Au niveau de la Brarodie, nous nous disons, et avec la production que nous disposons aujourd'hui, avec les effectifs des consommateurs burundais que nous avons, combien de casiers, par exemple, des produits amoussés que nous pouvons exporter à l'extérieur? Voilà la taille maximale des produits qui peuvent être exportés. Une fois qu'il y a l'un ou l'autre qui vient s'ajouter sur la liste, on lui montre, écoute, bien que si un produit a demande d'exporter nos produits, nous sommes désolés, la capacité ou la taille maximale d'exportation de nos produits va s'élever à son niveau. Ainsi, il se voit refuser, non pas parce qu'on n'aimerait pas exporter, mais parce qu'il y a des limitations. Quels sont les pays dans lesquels on peut exporter vos produits? Et pour l'instant, nous sommes présents en RDC et en Tanzanie. Comment vous procédez pour surveiller que l'exportation de vos produits s'effectue légalement? Au niveau de la Brarodie, nous limitons essentiellement sur le contrat de partenariat avec ces exportateurs. Et concernant les exportations illicites, il y a des instances publiques qui s'en occupent, notamment l'administration, l'Office burundais des recettes et bien d'autres institutions publiques. C'était le chargé de la communication de la Brarodie, joint au téléphone par ma consoeur Vestine Neboutoyi. Certains usagers des bus d'agence de transport en commun se trouvant au parking du marché d'Ikotebou apprécient positivement la qualité de service qui leur est offert. Ces passagers expliquent que dans ce bus, le nombre de passagers exigés est respecté. Les points avec Moïse Misako. Arrivé à ce parking, on est accueilli par des convoyeurs qui appellent les passagers. Ces derniers se précipitent pour acheter les tickets de transport. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros apprécient favorablement la qualité de service qui leur est offert. Cependant, ils indiquent que le nombre des passagers exigés est respecté ainsi que les heures de départ. La qualité de leur service, selon moi, j'apprécie beaucoup parce qu'il y a de l'ordre. La façon dont c'est organisé, je trouve qu'il y a de l'ordre parce que censé qu'on transporte 4 passagers. En général, c'est respecté. En ce qui concerne le déplacement, nous apprécions comment les agences travaillent. On respecte le temps qui est marqué sur le programme. Et en ce qui concerne le haussement du ticket, c'est pas grave. On regarde le tarif qu'on a marqué sur le ticket. On s'assoit confortablement. On ne travaille pas comme dans les bus qui travaillent de ville au quartier. Le nombre de passagers est respecté. À ce parking situé au marché d'Okotebou, 7 agences de transport en commun sont à l'œuvre, à savoir Air Ponctuel, Amazon Express, Volcano Express, Memento Express, France Bus, Tramwex ainsi que Otraco. Merci à Moïse Misago. Parlons langue à présent. La langue swahili constitue un instrument de communication qu'il faut développer, d'autant plus qu'elle fait partie des langues utilisées dans la communauté est-africaine, dont le Burundi fait partie. C'est ce qu'a fait savoir Evariste Ngaïmenda, le recteur de l'Université du Lac Tanganyika, qui abrite depuis ce jeudi le 4e congrès plutôt de 2 jours sur la promotion de la langue swahili dans les différentes universités du pays. Néanmoins, l'apprentissage de cette langue connaît des difficultés, surtout liées au manque d'enseignants qualifiés, comme l'a indiqué Dorothée Chimirimana, professeur de cette langue dans des universités et membre de l'organisation de ce congrès. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bouclons ce journal sur la page environnement. Les habitants de la commune Musigati dans la province de Bubanza se lamentent de la façon dont les eucalyptus se sont enlevés dans les marais. Ils disent que des fois, les 15 mètres qui devraient être respectés à partir des marées sont dépassés. Ce mercredi, un habitant de la colline Gashinge a déposé sa plainte au tribunal de résidence de Musigati, se plaignant de sa plantation d'eucalyptus coupée au niveau de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. On affirme ces irrégularités et demande à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, de suivre de près la situation. Spes Caritas Cabagnana, correspondance. Un habitant de la colline Gashinge, dans la commune de Musigati, a déposé sa plainte auprès du tribunal de résidence de Musigati ce mercredi. Il dénonçait des coupes d'eucalyptus jugées illégales dans sa plantation. Cet homme est l'un parmi beaucoup d'autres qui se lamentent de la façon dont l'ordonnance ministérielle est en train d'être mise en application. Les 15 mètres recommandés à partir de la vallée vers la colline sont quelquefois dépassés selon la même source et des coupes sur les collines sont également enregistrées. Cela s'observe sur certaines collines comme Gashinge, Namba, Rusekabuye, Munanira et autres. Au niveau de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, on reconnaît les lamentations de ces populations. Jean-Claude Maningibutse, responsable de l'OBPE dans les communes de Musigati et Bubanza, regrette que les 15 mètres recommandés à partir des marais sont quelquefois dépassés. Il ajoute qu'il a également déjà constaté des coupes jugées illégales sur les collines et que l'eucalyptus, l'un des importants espèces dans la régulation des microclimats et dans cette localité, risque de diminuer sensiblement. De son côté, le directeur à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, Abou Banza, fait savoir que les eucalyptus sont seulement enlevés dans les marais et que les 15 mètres sont respectés. Wilinda Ikeza ajoute qu'il n'y a pas eu de coupe sur les collines et que ceux qui se lamentent veulent entraver la bonne volonté d'agrandir les terrains pour les cultures vivrières. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. C'est sur cette correspondance de ma consoeur Spes Caritas Kabanyana que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kandogo pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndiko-Wanyanga. Bonne soirée et bonne nuit chez vous. Au revoir.